Section 11 De l'homme de fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 20 et 21. Chapitre 20 L'ermite. Dans la salle basse du manoir de Rose, les serviteurs étaient rangés autour de la table où le pichet de cidre restait immobile et plein. Toutes les figures étaient pâles, tous les yeux inquiets. Le nain Fierabras parlait d'une voix lente et grave. « On ne rira plus ici, bonnes gens, disait-il. Nous sommes dans la maison du deuil. » Quand il se tut, la voix de Don Sidoine arriva des chambres hautes, mêlée aux gémissements de Madame Reine. Don Sidoine récitait une prière. « Nain, sais-tu quelque chose ? » demanda un valet. « Je sais tout, répondit Fierabras. « Parle donc au nom du ciel !» Le nain se recueillit et dit « C'était le soir de la passe d'armes. Berthe et Jeannine allaient sans défiance, comptant sur les deux hommes d'armes de Morvert qui les suivaient la lance au poing. Les deux hommes d'armes furent tués par derrière. Un monstre, à forme humaine, monté sur un cheval, dont les yeux rouges flamboyaient dans la nuit, conduisait les assassins. Berthe et Jeannine furent enlevées et conduites dans le bois. Elles entendaient le monstre qui rugissait. Le monstre était l'ogre des îles. Celui qu'on appelait l'homme de fer aux joutes, celui qu'on appelait dans les salons du Déron Messire Olivier, baron d'Armois. Dans le bois, les gens des îles dressèrent une embuscade où le pauvre Aubry de Kergariou vint tomber. À travers champs, on galopa dans la nuit sans lune. Aubry, Berthe et Jeannine furent placés dans une barque qui traversa la mer. La brume épaisse et sombre les entourait. Ils virent la brume rougir en devenant lumineuse, puis blanchir comme si c'eût été un léger voile de mousseline. Le voile se fit de plus en plus transparent. Ils virent au travers, ils virent ce que nul regard humain ne verra plus, et Lyon, la cité enchantée, la huitième merveille du monde. Quelle lumière éclairait Lyon en l'absence du soleil? Nul ne saura jamais le dire, mais je crois bien que ce jour-là vient d'enfer. Aubry, Berthe et Jeannine virent de blanches galeries s'allonger sur la grève. Des toits dorés, des statues roses et des arbres dont les fruits sont des pierres précieuses. Il y eut ici un murmure dans l'audience. C'était trop fort. Mathurin Sandant, organe du mécontentement général, demanda « Qui t'a dit tout cela, petit homme ?»« Qui m'apprend tout ce que je sais et que vous ne savez pas, pauvres gens ?» répondit le nain avec fierté. « Suis-je gentilhomme ? Êtes-vous manant ? Taisez-vous, vous ne saurez point la grande fin de l'histoire. » À quelques pas de là, dans la chambre qu'Aubry habitait d'ordinaire, Madame Reine, blême comme si elle eût fait une maladie de 6 mois, était couchée sur une chaise longue. Don Sidoine, le vieux chapelain, était assis auprès d'elle, tenant à la main un missel. « Mon père, disait Reine, que Dieu pardonne à une pauvre mère désespérée. La prière ne me console pas aujourd'hui. » « C'est que vous n'avez pas encore assez prié, ma fille. »« Tous ceux que j'aimais, mon père, reprit la châtelaine, dont les sanglots éclatèrent, Jeannin, l'ami dévoué, le cœur d'or, Jeannine, la pauvre enfant, pour qui je fus parfois bien sévère. » Elle s'interrompit pour se frapper la poitrine, puis continuant son énumération, « Berthe, ma noble nièce, chère et douce créature, qui était déjà presque ma fille. Aubry, enfin, Aubry, mon sang, mon cœur, tout mon espoir. » Toute ma famille, Aubry sur qui j'avais reporté toute la tendresse de mon âme. Mon enfant bien-aimé. » Don Sidoine ne parlait pas parce qu'il y a d'immenses douleurs que les consolations avivent. Il priait maintenant tout bas. Et Reine disait le visage baigné de larmes, c'était tout le portrait de son père. C'était le vaillant sourire de mon chevalier. L'avez-vous vu à la passe d'armes quand il a levé la lance? L'avez-vous vu toucher l'écu de l'homme de fer? Lui si jeune? « Ô Seigneur Dieu du ciel, mon fils, je n'ai qu'un fils. Prenez-moi tout ce que vous m'avez donné, que je sois seul et pauvre, que je n'ai point d'abri pour ma tête, que je quête mon pain sur les routes, ô Dieu tout-puissant. Mais mon fils, rendez-moi mon fils !» Le vieux prêtre essuya furtivement ses yeux qui avaient des pleurs. Madame Reine, qui s'était soulevée à demi, retomba épuisée. « Mon père, dit-elle d'une voix faible. « Montez encore à la tour et voyez si rien ne vient sur la route. » C'était la 20e fois que le bon chapelain montait à la tour. Et comme la sœur Anne du comte de Barbe-Bleue, il était redescendu, toujours le visage triste, disant « Noble dame, je n'ai rien aperçu sur la route. » Il se leva, docile, et prit l'escalier du donjon. Reine, pour l'attendre, ferma les yeux. Elle était comme morte. Dans la salle basse, le nain avait fantaisie de parler, justement parce qu'on n'interrogeait plus. « Pourquoi ne me demandez-vous pas aussi, criait-il aigrement, comment je sais que le roi Louis le XIe n'a pu ordonner que 3 chevaliers de Saint-Michel? Comment je sais que notre seigneur le duc s'est échappé par vrai miracle des prisons du Mont? Comment je sais que mon pauvre bon ami Jeannin est à sa place, couché sur la dure pierre du cachot ?»« Jeannin ? » répétèrent 10 voix avec l'accent de la curiosité la plus vive. « Je vous fais serment sur mon blason, reprit le nain, que celui-là sera chevalier s'il n'est pas pendu. Comment sais-je cela? Et quand je veux vous raconter de véridiques histoires, vous grognez comme un troupeau de bêtes à lard. C'est bon, c'est bien, je me tais. Parlez à votre tour. » « Noble dame, dit le chapelain qui rentrait en ce moment dans la chambre où était Madame Reine, la route est déserte aussi loin que peuvent se porter les regards. On dirait que les Bretons, portant le deuil de la captivité de leur seigneur, ont fermé sur eux la porte de leur maison. Il n'y a, le long des chemins, ni chevaux, ni piétons, ni charrettes. Seulement dans le sentier qui mène au Mondol, j'ai vu un homme, monté sur un âne, qui allait au petit pas et semblait se diriger vers le manoir. Madame Reine n'attendait rien du côté du Mondol. Elle mit sa tête entre ses deux mains. « Prions, mon père, » dit-elle. « Ah, vous voulez savoir maintenant ?» reprenait le nain triomphant dans la salle basse. « Bonnes gens, la curiosité vous pique. Eh bien, je vous le dis, c'est un miracle de Dieu qu'il faut désormais pour sauver Berthe de Morvert, Aubry de Kergariou, votre jeune sire, et ma pauvre belle Jeannine. Ceux qui vont en la cité des lions n'en reviennent point. L'ogre des îles ne fera d'Étroit qu'une bouchée. C'est un sorcier, c'est le démon. Il épousera demain Berthe, la noble demoiselle. Il la mettra dans la tombe après-demain, et ce sera le tour de Jeannine. Pendant cela, il soulèvera la tempête en mer autour de ses rochers, car il a tout pouvoir sur les éléments, et nulle puissance humaine ne pourra porter secours à ses victimes. » On frappa 3 coups longuement espacés à la porte de la cour. Chacun frémit dans la salle basse, car le soleil était couché. En Bretagne, la brume apporte toujours de vagues terreurs. Il fallut l'ordre de Madame Reine, dont la voix triste s'éleva dans la chambre d'Aubry, pour que les valets du Rose songeassent à ouvrir. Ils se rassemblèrent 4 pour aller à la porte. Quand ils eurent tiré la barre, un vieillard, vêtu d'une longue robe blanche et monté sur un âne, entra dans la cour. C'était celui-là que le chapelain Don Sidoine avait aperçu du haut du donjon. C'était Enguerrand le Blanc, l'ermite du Mondol. Les valets du Rose se prosternèrent, le saint ermite leur donna sa bénédiction. Puis, sans descendre de sa monture, il s'approcha de la fenêtre de la chambre où Madame Reine pleurait et se lamentait. Il la fit ouvrir et dit du dehors, « Fille du saint homme Hugh de Morvert, qui fut l'envoyé de Dieu près du premier François de Bretagne, je viens à toi de la part de Dieu. » Madame Reine resta un instant immobile, puis, pressentant quelque mortel malheur, elle se traîna jusqu'à la croisée et s'agenouilla devant l'appui. « S'il n'est plus, » murmura-t-elle, que la volonté de Dieu soit faite et que j'aille le rejoindre bientôt. « Relève-toi, reine de Morvert, » ordonna l'ermite du Mondol. Reine obéit, l'espoir tranchant comme une lame lui traversa le cœur. Elle chancela et Don Sidoine fut obligé de la soutenir dans ses bras. Au dehors, les serviteurs du Rose, rangés à une distance respectueuse, écoutaient, chapeau bas et le chapelet à la main. « Reine de Morvert, » reprit l'ermite, sèche tes larmes, verse des parfums dans tes cheveux, mets tes plus beaux atours et monte à cheval. Chante dans ton âme le cantique d'action de grâce. Mon fils, s'écria Reine, folle de joie, Dieu m'a-t-il gardé, mon cher fils? Rends-toi au havre de Cancale et attends sur le rivage. Et Berthe, l'ermite baissa la tête. Il fallait une femme pour tuer le maudit, murmura-t-il. Et Jeannine? Accorde à ton fils sa première demande et le bonheur reviendra dans ta maison. » Il éleva sa main tendue pour bénir Madame Reine et repassa le seuil de la cour. Quelques minutes après, un cortège éclairé par des torches descendait vers le havre de Cancale où Madame Reine se rendait. La cavalcade allait silencieuse dans la nuit sombre. Les grands espoirs sont muets comme les douleurs profondes. Chapitre 21 L'échafaud. La mer était calme, La brise molle venait de Chérueix, apportant la senteur des campagnes à travers l'immensité des grèves. Sous les falaises de Cancale, à l'endroit où s'élève maintenant le faubourg de la Houle, quelques cabanes de pêcheurs s'éparpillaient. Un petit havre naturel s'ouvrait parmi les roches que la mine a fait sauter depuis. Du large, on aurait pu voir les torches des serviteurs du Rose qui allaient et venaient sur la rive. De la rive, par cette nuit sans lune, on n'apercevait rien sur la mer. Madame Reine attendait depuis longtemps déjà. Le clocher du couvent de Saint-Yves, situé sur la montagne, au nord de la ville, venait d'envoyer 11 heures. « L'ermite du Mont-Dol est un saint, n'est-ce pas, mon père ?» demanda Madame Reine à Don Sidoine. Elle avait besoin qu'on fortifiât son espérance, qui déjà chancelait. Don Sidoine répondit « La réputation de l'ermite est bonne. Je n'ai pas à donner mon opinion sur ses prédictions et ses miracles. Quiconque juge son prochain sera jugé. » Madame Reine n'interrogea plus son chapelain. Les serviteurs, réunis en groupe sur le galet, regardaient au large de tous leurs yeux. Dieu sait ce qu'ils voyaient. Pélo, le bouvier, distinguait parfaitement de grands vaisseaux noirs qui marchaient sans voile et dont les sombres mâts piquaient le ciel à l'horizon. La petite Jouanne apercevait la mer plate et sans lame des lutins échevelés qui dansaient une ronde. Tantôt, ils rasaient l'eau de leurs pieds nus, tantôt ils disparaissaient, noyés dans l'océan et ne montraient plus au-dessus du niveau que leur tête grimaçante. Au loin, chacun découvrait les îles Chauzet, qui ne se voient pas de là, même en plein jour. « Voyez !» s'écria tout à coup Gothon, interrompant son chapelet. « Un grand palais qui fume !» Mathurin, seul, par esprit d'opposition conjugale, ne vit pas le palais qui fumait. La mer se mit à monter. Le flot chanta sur les pierres arrondies. Un cri vint du large. Madame Reine seule l'entendit. Elle s'agenouilla. « Mon fils, dit-elle, j'ai reconnu la voix de mon fils. Oh, les torches !» ordonna Don Sidoine. On leva les torches. On monta même sur les rochers, mais la mer restait sombre et rien n'apparaissait sur son dos. Minuit sonna au beffroi du couvent de Saint-Yves. Au 12e coup, un bruit de rame, distinct et régulier, arriva jusqu'à la plage. « mon fils !» s'écria Madame Reine. « Ma mère !» répondit la voix d'Aubry. Ivre qu'elle était, elle mit les pieds dans le flot pour aller à lui. Cependant, la mer, unie comme un sombre miroir, ne montrait rien. « Jeannin, est-il avec toi ?» demanda Madame Reine. « Jeannin, le brave des braves, et sa fille, ma mère. Et Berthe de Morvert. » Cette fois, Aubry ne répondit pas. Un grand cri s'éleva parmi les serviteurs du Rose. La barque sortait lentement de l'ombre et glissait là-bas comme un fantôme noir. Aubry sauta le premier sur le galet. Il était dans les bras de sa mère. Il y avait 60 hommes d'armes dans les 4 barques que le roi Louis XI avait confiées à Jeannin. Il y avait 60 chevaliers autour de l'homme de fer dans la principale des îles Chauzet, celle où la tradition des grèves plaçait Lyon, la ville morte. Jeannin d'un côté, Otto Beringhem de l'autre, faisait chacun le 61e. Bataille égale, armes semblables, le choc devait être terrible. Quand Jeannin et ses lances arrivèrent dans les eaux de l'archipel, Ilion s'illumina. Puis une grande voix sonna dans le silence. Elle disait « Aïram !» Un brouillard, qui semblait fait de métal, environna la ville. En même temps, une furieuse tempête s'éleva. Parmi les éclats de tonnerre, les sifflements du vent et le tapage des lames, les 4 barques en détresse, pensaient ouïr je ne sais quelle harmonie bizarre mêlée à des cris d'orgie. Jeannin, qui était un homme craignant Dieu, récita un pater et traça une croix dans l'air avec son épée. Le brouillard se déchira. C'était une salle immense et toute pleine de cette clarté mystique qui montait on ne sait d'où pour illuminer les nuits de la ville du soleil. Les chevaliers des îles s'asseyaient autour de la table des festins. Le vin coulait dans le cristal et l'or. Il y avait autant de dames splendidement parées que de chevaliers. Toutes les têtes avaient une couronne, toutes les lèvres un sourire. Otto Beringhem, fier et beau comme un roi, tira l'épée et se mit à la tête de ses chevaliers. Jeannin, le bon écuyer, donna sur eux tête baissée, et la grande bataille commença. Chaque fois que la voix du maudit criait son appel magique « Aïram, Aïram !», la voix du bon Jeannin s'élevait pour jeter vers le ciel le nom béni de la mère du Christ. Tout à coup, au milieu de la mêlée, on vit paraître une jeune fille, aux longs cheveux dénoués. Elle avait le sourire aux lèvres. C'était Jeannine qui levait au-dessus de sa tête la médaille bénite que lui avait donnée sa mère mourante. Alors, la terre trembla sous les pas des combattants. On entendit au lointain, comme un sourd éclat de foudre, la nuit tomba sur la table des festins. Les femmes couronnées de fleurs s'évanouirent comme autant de fantômes. Des ossements desséchés sonnèrent dans les armures des chevaliers des îles. Otto Beringhem et ses deux faux évêques, les ministres de ses enchantements, étaient seuls vivants. Les hommes d'armes du bon écuyer Jeannin n'eurent pas de peine à les charger de chaînes. Au fond des noirs cachots, creusés sous le palais, on trouva Aubry et Berthe de Morvert. Berthe ne sourit point à sa délivrance. Berthe ne devait plus jamais sourire. Quand le bon Jeannin raconta sa victoire à Madame Reine, qui pleurait dans les bras de son fils Aubry, il ne prononça le nom de Berthe que pour dire « Elle est maintenant au manoir ». Deux semaines s'écoulèrent. Un matin, Berthe, qui n'avait pas prononcé une parole depuis son retour au manoir du Rose, Berthe dit « Je veux aller demain en la ville de Rennes ». Madame Reine hésitait et demandait pourquoi. « Parce que, répondit la belle jeune fille, Dieu le veut ». Elle n'était pas folle, mais ses yeux avaient d'étranges regards. Le lendemain était le vendredi 1er octobre 1469. Ce jour-là, l'église Saint-Aubin tinta le glas dès l'aube. La ville de Rennes n'avait point dormi. Une foule immense remplissait les abords des portes Saint-Michel, les avenues de la place Sainte-Anne et le haut des Lys où se dressait un échafaud tendu de serge noir. Il y avait des estrades autour de l'échafaud. Aux fenêtres, des paquets de têtes se montraient. Les ardoises des toits disparaissaient sous une fourmilière humaine. Le roi Louis XI, pour se réconcilier avec son amé cousin, François de Bretagne, et pour se débarrasser des soucis de la procédure, avait envoyé du Mont-Saint-Michel à Dole le félon Otto Beringhem prisonnier. Le duc François se souvenait de sa course à travers les grèves. Ses reins étaient encore tout meurtris et le gênaient après boire. Nantes est loin de Dole. Le duc, dans la hâte qu'il avait de se venger, ordonna que le procès du maudit se ferait au présidial de Rennes, devant une cour spéciale et sans appel. Les preuves abondaient, 3000 témoins avaient vu le régicide sur les grèves. Cependant, ce fut pour fait de sorcellerie que le comte Otto Beringhem fut condamné à faire amende honorable, pieds nus, cheveux ras, et à avoir la tête tranchée par le glaive. La sentence devait être exécutée le 1er octobre 1469. Voilà pourquoi les rues et les places de la ville de Rennes étaient encombrées de spectateurs curieux. On disait que le duc et sa cour assisteraient à la cérémonie. On disait aussi que le fer devait s'émousser et rebondir sur les vertèbres du maudit qui était invulnérable. À 8 heures du matin, le cortège partit de la prison des portes mordelaises et prit le chemin de la cathédrale. Les cloches sonnaient à toutes les églises, et du haut de toutes les tours, les trombes jetaient de sinistres huées. En tête du cortège, une compagnie d'hommes d'armes à cheval marchait au pas. Puis venait la confrérie des pénitents, puis les syndicats, puis la sénéchaussée. Le clergé, sans croix ni bannière, suivait. Toute cette pompe était pour l'amende honorable. Sur les marches de la cathédrale, l'évêque de Rennes était entre l'évêque de Dole et l'évêque de Saint-Malo. Quand le diacre, placé à la rosace, vit approcher le cortège, il cria « Fermez les portes !» et les portes de la cathédrale furent closes à grand bruit. Derrière le clergé, dernier corps de la procession expiatoire, roulait une charrette de paysans escortée par une seconde compagnie d'hommes d'armes et entourée de moines de la Merci. Les deux faux évêques étaient assis au fond de la charrette, portant chacun un voile noir sur la figure. Debout au milieu d'eux, les mains liées, le voile noir aussi sur le visage, l'homme de fer se tenait droit et hautain. La foule l'insultait, mais tout bas. Il y avait dans ce flot mouvant du peuple breton une vague et indicible terreur. L'homme de fer ne pouvait pas mourir sans vengeance. On se disait cela. Cette journée du 1er octobre devait être marquée par quelque malheur public. On fit descendre les trois condamnés de la charrette. Les deux faux prélats agenouillèrent au bas des marches. Otto refusa de fléchir les genoux. L'évêque de Rennes renouvela contre lui la formule d'excommunication pendant que la foule prosternée baissait la tête et priait. D'un mouvement brusque, le comte Otto parvint à déranger le voile qui couvrait son visage. Il se fit un large cercle autour du perron de la cathédrale parce qu'on avait vu flamboyer son regard. Il eut un rire dédaigneux et ne parla point. La cérémonie se termina dans un morne silence. On avait vu comme une menace terrible dans la prunelle effrontée du maudit. Le glas reprit au clocher et les trompes donnèrent des huées. Les deux faux évêques remontèrent docilement dans la charrette funèbre. Otto repoussa les gardes et marcha de son pied. Il traversa ainsi toutes les rues de la ville et la place des Lys, où le bon connétable Bertrand du Guesclin avait fait, avec l'aide de Dieu, de si vaillantes prouesses. À la vue de l'échafaud, il eut encore ce sardonique sourire. Sur les estrades, toute la noblesse bretonne était assise. Tous ceux qui avaient vu Olivier d'Armois terrasser Dunois à la passe d'armes des Grèves voulaient le voir encore à l'heure de rendre l'âme. Chacun se disait, sans le maléfice, aurait-il fait mieux que le brave des braves ? De Pleuc et Goulaine étaient là pour le duc. Au premier rang, le pâle soleil d'octobre éclairait une longue file de dames. Sur l'estrade la plus rapprochée de l'échafaud, Otto Beringhem put reconnaître Berthe de Morvert, au pied de laquelle Jeannine s'asseyait. Elles étaient placées ainsi, à la passe d'armes, lorsqu'il avait partagé entre elles la couronne de beauté. Le sourire du maudit se glaça un instant sur ses lèvres, mais ce ne fut qu'un instant. Il salua de la tête et murmura, à la plus belle. Madame Reine soutint dans ses bras Berthe défaillante. Jeannin et Aubry se mirent au-devant des deux jeunes filles. Otto salua Jeannin et Aubry. Les deux faux évêques montèrent les premiers à l'échafaud et moururent en demandant pardon à Dieu. Quand ce fut au tour d'Otto, il franchit les degrés d'un pas ferme et promena sur la foule ce regard sarcastique qui avait effrayé les bonnes gens devant la cathédrale. « Brûlez quelques feuilles de romarin, bête, ma fille !» dit précipitamment Dame Joseph de la Croix-Mauduit, qui avait fait le voyage de Rennes pour remonter sa garde-robe et sa livrée. « Je me souviendrai toute ma vie d'avoir respiré le même air que ce démon incarné dans le salon de l'hôtel du Déron. Comptez 3 fois 3 en vous-même, bête, et vous aussi, maître Bibrel, pour prévenir le jet des sorts. Et n'oubliez pas, après la cérémonie, d'aller quérir des nouvelles de Montfaucon à l'oisellerie de Pierre-Marie Thuot, ici près, rue aux Foulons. Depuis l'accident que je lui ai imputé à crime, lors de notre voyage en grève, l'animal est indisposé, ce qui m'a porté à faire cette réflexion que j'avais manqué d'indulgence. « Seigneur Dieu !» interrompit Bette pour la première fois de sa vie. « Comme Mademoiselle Berthe est pâle !»« On dirait qu'elle va mourir !» ajouta Maître Bibrel. Dame Joseph se tourna vers sa jeune parente et fronça le sourcil d'un air mécontent. « Elle a pris ses mauvaises façons au manoir du Rose » murmura-t-elle. « Bête, portez-lui mon sachet de bain-joint, dont l'odeur dégage le cerveau de toute nuisible vapeur, et priez-la de ma part qu'elle se tienne plus convenablement en présence d'une si grave assemblée. » Tout près de là, le nain fier à bras, hissé sur une barrique, pérorait. « Il est bien certain, disait-il, que cet homme, si c'est un homme, et nous allons voir ça tout à l'heure, quand le fer touchera son cou, il est bien certain que cet homme est mort une fois déjà, dans les îles. Poignardé par une sainte jeune fille que vous connaissez bien tous. Retiens ta langue, fit de loin frère Bruno, qui cherchait à se faire jour jusqu'à lui. Trop bavardé, péché capital. Suis mon exemple. M'entendis-tu jamais prononcer une parole inutile ? Et tout en jouant des coudes, il grommelait. Le premier jour d'octobre de l'an 49, les 3 mécréants de la ville morte, l'échafaud était place des Lys, en la ville de Rennes, où je connus jadis Mestivier, du faubourg Saint-Hélier, qui était couvert d'œufs de canne, et dont la fille aînée. Un grand murmure s'éleva dans la foule. Le bourreau venait d'arracher le voile noir qui couvrait encore à demi la tête d'Otto Beringhem. Sa belle figure, souriante et fière, dominait les hommes de l'échafaud. « Repens-toi, condamné !» cria en ce moment Jean de Vézin, un des assesseurs du tribunal spécial. « Te voilà près de la mort. Repens-toi, juge !» répondit Otto, tu es plus près de la mort que moi. Les frères de la Merci se rangèrent autour de l'échafaud. Un son de trompe éclata. Le grand sénéchal de Bretagne fit de la main un signe. Le glaive tournoya 2 fois autour de la tête du bourreau. Plus d'un regard se baissa, blessé par la gerbe d'étincelles qui jaillissait de la lame affilée. Le bourreau était un Léonais de 6 pieds, taillé en Hercule, portant un surcot rouge à capuchon corné, sur des choses de la même couleur. Au 3e tour, le glaive vint frapper à toute volée la nuque de l'homme de fer. Une immense clameur s'éleva de la foule. C'était le bien nommé, cet homme de fer. Il restait debout. Son froid sourire n'avait point quitté ses lèvres. Pas une goutte de sang à sa nuque. Mais une large brèche au glaive de l'exécuteur qui avait reculé, blême d'épouvante, jusqu'au rebord de l'échafaud. Les moines de la Merci entonnèrent un psaume. La voix d'Otto Beringhem domina leur voix. On l'entendit qui criait « à Hiram !» Comme si un mystérieux pouvoir eût détourné sur un autre le coup qui devait trancher sa tête, l'assesseur Jean de Vézin poussa un seul cri, se débattit et tomba mort. Mais la foule eut à peine le temps de prendre garde à cette catastrophe. Otto Beringhem étendit la main vers le sud, tous les yeux suivirent son geste. Une épaisse colonne de fumée passait par-dessus les maisons dans la direction de la place Sainte-Anne. Des voix en détresse disaient au loin « Au feu, au feu !» La cloche de Saint-Aubin se mit à sonner le tocsin. Le grand sénéchal agita son bâton. L'exécuteur, plus pâle qu'un mort, revint vers Otto Beringhem. Le glaive tournoya de nouveau et rebondit une seconde fois comme s'il eût touché un roc. Otto étendit la main vers l'ouest et répéta le mot qui faisait sa force terrible. Du bas des lys, des voix plaintives crièrent « Au feu, au feu !» Une colonne de fumée monta sur les toits des hôtels nobles qui bordaient la rue Nantaise, et le son haletant du tocsin tomba du clocher de Saint-Étienne. « Frappe !» commanda le sénéchal, qui se mit debout sur son estrade. Comme le bourreau hésitait, tremblant, le sénéchal répéta « Frappe !» sous peine de la vie. Le glaive porta un troisième coup. Le côté nord de la ville fuma. Le tocsin de la cathédrale répondit au tocsin de Saint-Aubin et de Saint-Étienne. Au quatrième coup, de grands nuages de fumée couvrirent la partie orientale de la ville. Les églises de Saint-Germain, de Saint-Sauveur et de Toussaint mirent en branle leurs bourdons. Le tocsin sonnait partout. La fumée rougissait aux quatre coins du ciel, rabattant sur la foule l'odeur brûlante et sinistre de l'incendie. Otto était toujours debout, au centre de la cohue affolée. Sa tête se dressait toujours, haute et railleuse. Les moines de la Merci cessèrent de chanter. Le bourreau jeta son glaive. En ce moment, parut au centre de la place, et sans que personne eût pu dire comment il avait percé les rangs serrés de la cohue, un vieillard à la face vénérable, dont le front se couronnait de longs cheveux blancs. Il était monté sur un âne comme notre Seigneur, et portait à la main un crucifix. À sa vue, la figure d'Otto Beringhem se décomposa. Le maudit essaya de briser ses liens et grinça des dents en blasphémant. Tous ceux qui étaient venus là, des bords de la mer, reconnurent bien le saint ermite du Mont-Dol, Enguerrand le Blanc. Il éleva la croix au-dessus de sa tête. L'homme de fer courba le front. Un silence solennel régnait sur la place. L'ermite dit « Prosternez-vous la face contre terre et priez !» Il n'y eut pas un genou qui ne toucha le sol. L'ermite mit pied à terre et s'en alla prendre Berthe de Morvert par la main. Il lui traça sur le front le signe du chrétien, puis il dit « Dieu le veut. Allez, ma fille. » Berthe, l'œil fixe, le pas automatique, semblable à ces somnambules que la volonté du magnétiseur fait agir malgré elle, descendit les degrés de son estrade et monta ceux de l'échafaud. L'ermite lui montra du doigt le glaive. Elle le souleva avec peine. L'ermite lui montra l'homme de fer. Comme Berthe, trop faible, ne pouvait porter le glaive jusqu'à la nuque du comte Otto, l'ermite dit à celui-ci « À genoux, au nom du Dieu vivant !» L'homme de fer se raidit, mais comme si un poids écrasant eût chargé tout à coup ses épaules, on vit fléchir ses robustes jarrets. La jeune fille, par un effort suprême, approcha le glaive de sa nuque. L'acier toucha la chair. Il n'y avait pas, dit la légende, de quoi blesser un agneau nouveau-né. La tête d'Otto Beringhem roula sur les planches de l'échafaud. Berthe éleva ses deux bras vers le ciel et se coucha, morte, auprès du mécréant décapité. Le front du maudit était tout noir, celui de la jeune fille, blanc comme les lys, avait une auréole. À ce tableau, l'incendie faisait un cadre flamboyant. L'incendie de la ville de Rennes dura deux jours et deux nuits. Il ne s'arrêta qu'à l'autel de la Vierge, en l'église de Saint-Sauveur. Ceci n'empêche point les gens de Normandie de montrer, au nord-est du groupe de Chauzet, un roc haut et noir, qui ressemble de loin à la statue d'un chevalier. les Montois et ceux de la côte, depuis Avranches jusqu'à la pointe de Carole, jurent que l'ogre des îles mourut là, de la pointe d'un poignard, non du tranchant d'un glaive, mais toujours de la main d'une jeune fille. Cette noire pointe de roc qui signale des récifs sous-marins porte encore le nom de l'homme de fer. Le duc François de Bretagne tint parole, Jeannin fut chevalier, il chaussa ses éperons d'or le jour où Madame Reine ouvrit ses deux bras à Jeannine en l'appelant sa fille. Fin de la section 11. Fin de l'homme de fer par Paul Féval, père.